fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur le 94.2 et plus particulièrement sur Fadjet. Dans un coup d'œil dans le rétro, il est 17h les amis, nous sommes le troisième vendredi du mois et c'est votre émission préférée, on l'espère, hein, qui traite du rétro. On décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. Allez, en somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Mes partenaires de jeu depuis cette année, nous sommes trois. Il y a Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien, depuis merci. Le mois de septembre. Ça va bien. Bon, là, on rentre pleinement dans l'hiver. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura des sujets liés, enfin, surtout la mode, liés un peu à l'hiver. Tout à fait. Oh, ok. Il y a aussi Jack. Bonjour à toi, Jack. Bonjour à tous et à toutes. Qui revient de ses pérégrinations. Je reviens d'Allemagne et je pars en Italie. Oh, quelle chance. Je vais manger des pâtes. Et nous accueillons aujourd'hui notre invité du jour, Mathieu Loingereau. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Mathieu. On va parler de toi dans quelques instants et longuement. Et tu vas être le fil rouge de cette émission. Sache-le. Merci. Alors Anaïk, quel est le programme du jour? Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, effectivement, on fera un coup d'œil et plus qu'un coup d'œil donc, sur notre invité du jour, donc Mathieu, qui viendra nous parler de sa vie, de sa passion, voilà, de musique. On parlera mode, effectivement, avec le retour du Bombers, en fait, je pense que vous en avez vu un petit peu partout. Même du Bombers kaki. Exact, ouais. Voilà. Mais il n'y a pas que kaki. On parlera déco avec un objet, en fait, qui revient aussi en force, la Dame Jeanne. Alors je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Ça, tout à l'heure. J'ai besoin d'explications. Oui. Parce que je me souviens de la canne de Jeanne. Eh bien moi j'ai parlé de la Dame. Et puis moi je connais la Dame Blanche. Du coup, la Dame de Jeanne, je sais pas ce que c'est. Moi, mais rien à voir, je vous rassure. C'est très bon. Deux, je sais pas ce que ça donne. Et puis bah Jack, tu nous feras ta chronique aussi. Ah bon? Ouais, il paraît. Ah, il fallait. Il paraît que tu as préparé. J'ai rien préparé. Bah je vais chanter à la place. Jack, c'est l'Automédon 2016. Exactement. Entre patrimoine et compétition. Exactement, entre patrimoine et compétition. On verra ça dans quelques minutes. Voilà, et on finira par les sorties, un petit peu dans le coin, qui aura à faire sur le mois de fin octobre et puis un petit peu de novembre. Voilà. D'accord, un beau programme. On est ensemble jusque 18h. Les petites habitudes, ce sont déjà de vous dire d'aller sur notre page Facebook 94.2. Coup d'œil dans le rétro, c'est coup d'œil dans le rétro. Fadjet 94.2 pour être plus précis. Et on a une petite nouveauté ce mois-ci. Alors, il n'est pas encore bien rempli, bien fourni, oui. Mais on va avoir aussi besoin de vous, notamment. Eh bien, voilà, de nous donner des précisions aussi sur des choses qui se passent en Lorraine autour du rétro. Le blog est né. Le blog est né c'est hier. Notre bébé. C'est notre bébé. Il est né hier. Et on a besoin de vous. D'un combat entre Jack et Anna. Bah, sur voilà. Les deux, trois bourre-pif. Hein, quand même, exactement. C'était dur. C'était... Ça n'a pas été simple. Voilà, la préface, je ne sais pas où le cadre, le décorum du blog qui est joli. Et donc, il s'appelle comment ce blog, Anaïk? Eh bien, il s'appelle tout simplement Coup d'œil dans le rétro, le blog. C'est un complément à l'émission, effectivement, pour donner plus d'infos, plus d'actu, encore plus de choses, en fait, sur le rétro. On mettra des petits players pour revoir les émissions, faire écouter les émissions aussi. Donc voilà, si vous nous ratez, c'est que vous le faites exprès ou que vous ne nous aimez pas, peut-être. Hein, ce qui est possible aussi. Hein. Donc n'hésitez pas déjà pour l'instant d'aller sur la page Facebook et de nous faire des petits commentaires ou des propositions de musique et on vous écoutera ça sans nul doute et on vous remercie d'être aussi fidèles. Alors on commence cette émission tout de suite avec notre invité du jour. Et Mathieu Loingereau, contrebassiste et chanteur. Loingereau, pourquoi je dis toujours Loingereau? Je ne sais pas. C'est comme Annick et Anaïk, c'est pareil. Il insiste. J'ai remarqué ça. J'ai déjà fait ça encore? Oui. J'ai dit Loingereau. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, écoutez, je suis décevant. Non, mais je suis décevant. Mathieu, tu es contrebassiste et chanteur. Oui. Ça au sein du trio, avec Pascal Nicole à la guitare et voilà. Jean-Marc Robin. Jean-Marc Robin à la batterie. Ouais, voilà, exactement. Vous revisitez Frank Sinatra, oui. Mel Tormé, que je ne connais pas, Nat King Cole, bien sûr, Harry Connick Jr. Et le swing est omniprésent dans votre musique, n'est-ce pas? Exactement. Alors, si on parle un petit peu de ton parcours, au départ. Voilà, alors c'est un parcours un peu pas chaotique, hein, mais mêlé de beaucoup d'influences et de beaucoup de rencontres et de beaucoup de périodes musicales différentes. Alors, comme on est dans le rétro et comme on est un peu dans le vintage, etc., je peux dire que mes premières sensations que j'ai eues, c'était avec le cinéma et la musique. Voilà, chez nous, on écoutait pas mal de jazz, donc il y avait le jazz des années 50-60 qui était présent depuis que je suis un peu gamin. Donc toi, c'est une époque bien précise déjà. J'aime tous les jazz, mais on va dire que celui que je préfère, c'est vraiment celui entre 50 et 60. D'accord. Quoi. Et puis le cinéma, mon père était, travaillait avec des jeunes et devait enregistrer à l'époque, donc je te parle de ça dans les années 80, des films pour les jeunes du foyer, du lycée. Et il enregistrait régulièrement des films qui passaient en télé. Et il était assez cinéphile. Et donc, c'est vrai que j'ai baigné assez rapidement dans les Melville, dans les films de Truffaut, etc. Donc ça, c'était comme mes premières émotion, si tu veux, sur musique, les choses anciennes, sur le cinéma et la musique. Sur le cinéma et la musique, mais t'as aussi des influences afro-américaines. Le jazz est une musique afro-américaine, c'est les influences. Je disais ça dans le petit texte que tu as envoyé. Parce que j'ai écouté beaucoup de musique afro-américaine et pas que du jazz. J'ai eu une période où j'ai beaucoup écouté de hip-hop dans les années 90. Y a d'autres choses qui t'intéressent que le jazz en règle générale. Oui. Mais disons que c'est le fil conducteur de ma vie musicale. De ta vie musicale. Après, bien sûr, j'aime plein de musiques différentes, mais ça reste la principale en tout cas. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est ton métier en fait. Oui, tu es musicien et chanteur au sein du trio. Voilà. Et du coup, tu as fait une formation. Je suis assez autodidacte. J'ai commencé la guitare quand j'avais 12-13 ans. Mmh. Je fais de la basse électrique. Je suis passé naturellement à la contrebasse à la fin des années 90. Et donc, j'ai fait le JAI, qui est en fait la branche jazz du MAI. D'accord. Voilà, au début des années 2000. D'accord. Et puis voilà, je me suis perfectionné peu à peu. Et puis le chant, c'est vrai que c'est assez récent. J'ai toujours chanté un petit peu comme ça. Et l'année dernière, donc c'est un projet qui reste. Enfin, j'ai commencé à monter le groupe il y a 2 ans. C'est Mathieu Loigereau. Trio. Donc ça se fait dans le jazz. D'accord. Comme c'est mon projet entre guillemets. Les autres me sont de. Voilà, j'aurais pas pu monter ce groupe. Enfin, le groupe ne serait pas ce qu'il est, bien sûr, sans mes deux. C'est vrai que du coup, c'est dans le jazz, tu dis c'est ça. C'est qu'il y a le nom et le prénom de la personne qui fonde le groupe, et après on rajoute trio derrière ou exactement, duo. Okay. C'est un peu une convention entre guillemets. D'accord. Comme l'affaire Luis. Oui, c'est vrai. Paix à son âme d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a quelques temps. Il y a quelques temps. Et donc j'ai monté ce projet-là il y a 2 ans. Je me suis dit, il faut vraiment que quand t'es contrebassiste, on dit que t'es sideman, c'est-à-dire que t'accompagnes. Donc moi, j'accompagne en permanence, même s'il y a des projets que j'ai montés en tant que sideman, notamment CE2 Polar, dont on parlera tout à l'heure, que j'ai monté avec elle, Le Bian. Je voulais chanter, je voulais être devant en fait. Ouais, parce que t'as accompagné quand même pas mal de jazzmen lorrains en fait. Oui, t'as accompagné pas mal de. Puis en groupe de chansons, j'ai fait aussi pas mal de chansons, j'ai fait Les Papillons, Robert Dain, j'accompagne encore de temps en temps Julien Madi. Donc voilà, c'est aussi un autre aspect de. Tu parlais justement de cette création là, CE2 Polar. Ouais. Donc ça c'était en 2010. C'était en 2010. Le disque a dû sortir en 2010-2011, ouais. Et donc c'est avec Gaël Le Bian et Jean-Marc Robin, qui est le batteur de mon trio actuel, Jean-Marc Robin, qui est un super batteur. Donc c'est un trio jazz autour de musique de films policiers français, donc c'est une passion pour toi. Ouais. Reprenant Philippe Sard, François Deroubet, Michel Colombier. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est un projet qu'on a monté en commun suite à une résidence qu'on avait fait. On avait maté pas mal de pour l'histoire. Voilà, on est parti en résidence avec Les Papillons pendant 3 semaines pour écrire le dernier disque qui est sorti en 2010. Et on était dans un gîte et tous les soirs après les répétitions, etc. On regardait. J'avais ramené plein de DVD et on regardait des films noirs et on s'est dit à chaque fois que les films passaient. L'Alpaguer, enfin Le Clan des Siciliens, Le Doulos, tous ces films. Et on se disait les musiques sont terribles. Les musiques sont terribles. Exact. Et on s'est dit, on va faire ça, on va monter un trio de jazz autour des musiques de Michel Colombier, de Philippe Sard, d'Ennio Morricone aussi, qui a quand même écrit pour le cinéma français. Le projet est fort sympathique. D'ailleurs, on va écouter un titre tout de suite, d'ici quelques instants. J'aime aussi beaucoup la pochette, qui a un petit côté aussi rétro comme ça. Enfin, pas rétro, mais fumé. Je sais pas pourquoi elle me donne l'impression de la fumée des poils. C'est vrai qu'elle est chouette, avec les cigarettes, là. Elle fait vieux papier. Vieux papier, c'est ça, quoi. Ça va. Exactement. C'est-à-dire, on la mettra sur. On va prendre une petite photo. de la pochette photo, ouais. Et on la mettra sur la page Facebook. Donc ça, c'est un projet qui tient à cœur et qui tourne et qui fonctionne moins maintenant, mais qui va, je pense, retourner après. D'accord. Et c'est vrai que le principal là du projet que je tourne, c'est mon trio. J'essaie de le faire au maximum. Et puis encore un autre truc qui s'appelle LBBL avec aussi Gaël Lebian. J'aime bien travailler avec les mêmes personnes. C'est ça, avec Antoine Banville à la batterie. Ouais. Et super, franchement. Alors là, on va vous mettre des photos parce que ça vaut le coup. Bah justement, cette rencontre, là, que tu disais, le trio LBBL, ça s'est fait comment en fait? Le trio LBBL, c'est du jazz aussi, c'est un peu plus moderne. Ouais. Donc, on a fait deux dates ce mois-ci. On a fait une date au Sunset à Paris et on a fait le Pep au Chapiteau, Pep en fête à 14h. Ouais, voilà. C'est ça. Et la rencontre, c'est Gaël Lebian qui est mon acolyte de jeu depuis une dizaine d'années maintenant et Antoine Banville que je ne connaissais pas, qui est un acolyte de Gaël. Ils se connaissent depuis leur enfance à Caen. Et Antoine Banville est un batteur parisien. À Caen? Encore un Normand. Assez célèbre, ouais. Attention, c'est le moment Normandie pour Anaïk. C'est ça, parce qu'en fait, je viens de Caen. Donc c'est pour ça que je me suis dit merde. Antoine et Gaël sont tous les deux de Caen. Et on a un auditeur, Pierre Slip, de qui vit en Angleterre, qui est Normand également. Donc on le salue. Donc, écoutant en Normandie, beaucoup de Normandie. Hein. On leur fait un petit coucou. Mais d'ailleurs, justement, parce qu'au-delà de la musique, moi, ce qu'on aime aussi quand on vit les années rétro, c'est aussi les vivre vestimentairement parlant. Et c'est le cas, vous, dans votre groupe, votre trio, plus toi peut-être. Voilà, c'est toi. Ça. D'accord. Je m'habille comme ça au quotidien depuis pas mal de temps maintenant. Et puis quand on a fait la pochette, j'ai ressorti ce que j'avais dans ma penderie et puis je les ai un petit peu habillés. Et puis ça fait partie d'un. Ça fait partie d'un tout. Je trouve que voilà, quand on, c'est vraiment une immersion totale dans une époque et dans un style que de s'habiller comme eux. Et toi, t'as un style qui correspond à une époque bien particulière où ça balaye plusieurs. Ça balaye une quinzaine d'années. C'est ça. Bon, la mode a beaucoup changé. C'est entre ça. 65 et 75, vestimentairement, ça n'a absolument plus rien à voir. Alors, il y a bien sûr un atout fort que les hommes en général beaux ont, c'est la moustache. Faut le dire, hein, non mais. C'est vrai qu'en même temps, je suis entourée de Jack aussi. Oui, la barbe moustache. Oui. Avec un bloc qui s'appelle Moustache et Fourchette. Oui, c'est pas faux. Voilà, donc c'est coup d'œil dans le rétro. Moustache. Exactement. Sauf Anaïk, hein, qui fait l'impasse. Je sais pas pourquoi. Il faut arrêter de te teindre dans la moustache. Je peux m'y mettre si vous voulez. Allez, on va faire la première pause musicale, les amis. Il est 17h12. On vous souhaite la bienvenue si vous venez dans un coup d'œil dans le rétro. Et on va écouter une première chanson de Mathieu. Alors, vous avez piqué la pochette, les amis. Donc, vous allez me dire le titre. Eh bien, c'est mon titre cher numéro 7. Eh bien, le titre numéro 7, c'est le clan des Siciliens. C'est le clan des Siciliens. Voilà. Tu t'arrêtes comme ça. Je m'arrête comme je veux. C'est un titre de Ennio Morricone à l'origine. Tout à fait. Souvenez-vous. Ah, ça nous plonge dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Des polars. Des porte-flingues. Voilà. Exactement. Les amis, on se retrouve après ce premier titre, c'est de Mathieu Loingereau, trio. Non, pour le coup, là, c'est CE2 Polar. CE2 Polar, c'est pas la même chose. Attention. Deux bêtises, CE2 Polar. On se retrouve juste après ça. des Siciliens, Ennio Morricone. Là, on plonge dans les films et les polars des années 60-70 avec Mathieu Loigereau. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet, 94,2 en modulation de fréquence. Alors Mathieu, on continuera ton interview d'ici quelques instants, mais tu peux participer facilement à l'émission, et tu nous partages aussi un petit peu ton point de vue, parce que voilà, dans cette émission, je ne sais pas si on te l'avait expliqué, mais on aime ce qui a trait à la musique, bien évidemment, et aux artistes locaux, voire un peu plus loin, nationaux, internationaux, mais aussi surtout à la mode, la déco, et à ce qui se passe au niveau local. C'est aussi intéressant parce que on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a une vie un peu autour de ce monde-là. Alors toi, c'est bien spécialisé au niveau de la musique, mais au niveau d'autres choses, au niveau local, il y a des choses qui se passent dans le rétro. Et là, en l'occurrence, Anaïk est là pour nous informer. Hein, chaque mois, elle nous informe. Elle nous ressort des caissons des grands-mères, des tiroirs. Et bien, un article ou deux qu'il est nécessaire d'avoir dans son salon. Et là, c'est le temps. C'est la Dame Jeanne. Alors la Dame Jeanne, ça me fait penser à une vieille grand-mère, une vieille mamie. Ah oui. Voilà, une petite mamie, vous savez, qui, moi, ma grand-mère, elle avait une tunique. Une tunique, c'était d'un seul tenant, comme ça. Oui, des espèces de robes tabliées. Les robes tabliées. Ah oui, c'est pas mal, ça. Et elle avait son petit foulard la mode aussi, que j'ai d'ailleurs gardé. Un fichu. Voilà. Un fichu, les grosses lunettes. C'était ma grand-mère. Elle faisait de la dentelle. Elle était comme ça. Donc ça me fait penser, la Dame Jeanne, ça fait penser à ça, Anaïk. Eh bien, tu as tout faux. Voilà. Je peux pas dire mieux, en fait, parce que la Dame Jeanne, en fait, c'est pas un vêtement, c'était un objet de déco, en fait. D'accord. Voilà, j'avais envie de vous en parler cette semaine. Et la Dame Jeanne, en fait, on les retrouve un petit peu partout aujourd'hui dans nos intérieurs. C'était un objet déco qui était un peu incontournable dans les années 70. Ça a été décliné, en fait, en plusieurs coloris et plusieurs formes. Et je trouve que ça donne un petit air un peu rétro quand même. Alors soit vous pouvez en mettre dans la salle de bain, le salon, ou encore la salle à manger. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la Dame Jeanne? Parce que je ne vous l'ai toujours pas dit, en fait. Il y a une bière qui s'appelle aussi la Dame Jeanne. Oh bah oui, je ne sais pas, je ne suis pas... La bière, elle porte l'état de nom maintenant. Fétiche de la bière. Puis c'est un fétichiste de la bière. J'ai déjà vu faire des incantations autour des bières. Exactement. Alors pour revenir à la Dame Jeanne, en fait, je résume un peu, mais la Dame Jeanne, en fait, c'était un espèce de gros vase qu'on pouvait poser au sol, en fait, un peu arrondi, transparent, dans lesquels, en fait, ça servait, en fait, à l'époque, à mettre notamment du vin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ça c'est comme une grosse jarre, bonbonne, en grosse fait. Jarre, une grosse bonbonne, ouais, d'accord. Voilà. Une jarre. Oui, comme Jean-Michel. Voilà. Comme Jean-Michel. Allez, hop, elle est faite. Ça aurait dû s'appeler la Dame Jeanne. Voilà, c'est ça, Radio Blagoun. Comme j'aime bien, mis à part les Blagoun, quand même, faire un petit thème, un petit peu culture, tu vois. Ouais. Donc, je vais vous parler de l'historique de la Dame Jeanne. Donc, effectivement, c'est un nom un petit peu spécial. Et en fait, à l'origine, on dit que c'est la reine Jeanne, en fait, qui avait été chassée de Naples, donc en Italie, en 1347. Donc, ça remonte quand même à loin. Et cette dame, en fait, s'était réfugiée dans un château de Provence, sous un verrier. Et en fait, on raconte qu'elle avait voulu voir le travail donc de ce verrier, et que lui était très troublé par cette dame, et qu'il a réalisé, en fait, devant elle une bouteille énorme, donc une bouteille très très arrondie. Et à l'époque, donc ça a eu du succès. Et en fait, il a lancé la fabrication et il lui a donné, en fait, le nom de la reine, d'où le nom Dame Jeanne, en fait. Et on met du vin dedans ? Alors à l'époque, effectivement, cette grosse bouteille en verre, donc, servait à la conservation d'aliments ou de transport de boissons. Ça pouvait avoir une contenance entre 5 et 50 litres quand même. Un petit coup de Provence, 50 litres à midi, voilà. Ça passe, ça passe bien. Ça passe. Non, Mathieu, pas aujourd'hui. En apéritif peut-être. Pas aujourd'hui, la nuit a été trop longue. Je suis pas sûr. Ouais. Ou trop courte. Et donc souvent, en fait, les Dames Jeanne étaient protégées avec un pourtour en osier, et elles contenaient en général soit du vin ou de l'eau de vie. Donc je vous laisse imaginer 50 litres d'eau de vie, voilà, c'était... Mais je m'en souviens, il y en avait une chez mes parents, vide, malheureusement, mais oui. Maintenant je m'en souviens. Alors c'est fait par des verriers, comment c'est... Alors en fait c'est en verre soufflé, on peut encore en trouver donc dans les brocantes, mais les anciennes avaient un goulot qui était coupé, et celles-ci sont très rares. D'accord. Voilà, donc ces bonbonnes qu'on appelle les Dames Jeanne sont, par leur forme en fait, apportent une touche assez sympa de couleurs, parce qu'il y a plusieurs couleurs, notamment du vert, du blanc, mais les plus rares sont orange, et c'est celles qui coûtent le plus cher. Alors d'accord, mais ça va nous servir à quoi dans notre intérieur ? Alors voilà, parce que moi je vous parle de ça, mais voilà, comme on est dans la chronique déco, la dame Jeanne, vous pouvez vous en servir soit pour mettre des fleurs, hein, notamment. D'accord. On en voit beaucoup aussi dans les magasins de déco, même dans les magasins de déco d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi éventuellement vous en servir en mettant un abat-jour, en fait, et un peu rétro. Donc ça peut faire tout de suite une lampe un peu vintage pour donner un côté années 60-70 à vos intérieurs. Ou alors, tout simplement, vous pouvez en disposer plusieurs sur une table de différentes tailles. Donc ça peut, ça peut faire un petit côté ancien, et je trouve ça assez sympa, et ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir chez les autres. Mais oui. Alors justement, il faut interroger notre invité du jour, parce que je sais aussi de source sûre qu'il aime la déco aussi rétro. Alors pareil, c'est un pêle-mêle de différentes années chez toi, ou c'est toujours pareil, début 60 jusqu'à 60, fin 70. Quoi. Donc dans le mobilier, c'est quoi? C'est du bois? On est oui, c'est du bois un peu laqué, des couleurs assez claires, les pattes qui tirent vers l'extérieur. C'est vrai que je trouve qu'il y a une en général, dans le vêtement ou dans le mobilier, les années 60 sont un peu plus simples. Enfin, les lignes sont plus épurées que les années 70. Il y a des fautes de goût vestimentairement aussi dans les années 70. Ça, oui. Et dans les années 60, franchement, c'est personnel, mais je trouve qu'il n'y a pas de fautes de goût. Et même dans le mobilier, c'est classe, c'est des belles. Et d'ailleurs, tout ce qui là en ce moment, vous allez chez Maison du Monde. Oui, c'est le style scandinave. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est du mobilier épuré avec des formes un peu inspirées aussi des bateaux. Souvent, on l'utilisait aussi ce bois-là dans les bateaux. Et c'est assez fin. C'est peut-être un peu plus grossier dans les années 70 et surtout très coloré. On reste sur du classicisme dans le mobilier, la couleur surtout. Il y avait le simili qui était pas mal aussi. Il y avait du rouge pas mal, rouge, du noir. Mais c'était quand même assez coloré, mais c'était peut-être un peu plus harmonieux. Mais de toute façon, c'est que ça fonctionnait bien avant, puisque c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, tu vas payer des. En plus, à cette heure-ci, il y a beaucoup d'artistes d'époque qui sont tombés dans le domaine public, et donc parfois tu peux. Ils copient tout ce qui s'est passé à l'époque en termes de mobilier. Exactement. Et revendent beaucoup moins cher aujourd'hui. Quand on parlait la dernière fois, dans les dernières émissions, des chaises un peu rétro, la chaise Knoll ou Tulip, Et même le laqué moderne qui aujourd'hui s'est inspiré des années 70. Enfin, Sauf le canard. Oula. Calembour. Il va me faire un AVC, celui-ci. Merci, Mathieu, d'apporter aussi. On t'imagine, parce qu'on est en radio, donc on imagine la musique, le personnage, son environnement. On va le mettre en photo de toute façon. On va faire une petite photo de lui pendant la pub. Je fais juste une petite pub personnelle. Si vous tapez Mathieu Loigeroux sur YouTube, il y a quelques vidéos en duo et en trio. Du projet Crooner. D'accord. Et je devrais peut-être pas le dire, mais c'est chez moi. Je me suis demandé, moi. Quand j'ai vu le décor derrière, je me suis dit, c'est où? Après, où on passera à Jack, il nous parlera aussi voiture, parce que c'est aussi un passionné de voiture. Il me l'a appris, une très très belle. Mais on en parlera d'ici quelques instants. C'est le temps aussi cette semaine de souhaiter un anniversaire, les amis. Comment ? Un anniversaire. On a fêté un anniversaire cette semaine, les 90 ans, particulièrement d'une personne qui est à ce jour un des pères du rock'n'roll. Ah, j'ai une petite idée. Vas-y. Je peux le dire ? Oui, bien sûr. C'est Chuck Berry, non ? Exactement. Ouais. Chuck Berry qui a fêté ses 90 ans, le 18 octobre. Okay. Tout le monde connaît ce titre. Bien sûr, il dédie donc c'est un nouvel album qu'il dédie à sa femme. Ce nouvel album a été enregistré avec son groupe et son fils Charles Berry Jr. à la guitare. Le disque a été enregistré dans des studios près de Saint-Louis, Missouri, centre des États-Unis, sa ville natale, et devrait sortir dans le courant de l'année prochaine. Incroyable. On s'écoute un petit Chuck Berry, bien sûr Johnny B. Goode, un des classiques, et on se retrouve juste après ça, les amis. On est ensemble jusqu'à 8h, j'allais dire. Mais non, t'es pas. Demain matin 8h, les 24h. Coup d'œil dans le rétro. Johnny B. Goode. He used to carry his guitar. Chuck Berry qui reste un titre à ce jour, un des titres les plus reconnaissables de la musique populaire, un titre de 1958. Et oui les amis, nous sommes à la moitié de l'émission, il est 17h30, le week-end commence peut-être pour vous tranquillement, c'est le moment de te faire des petits coucous, hein, des petits suite à nos, un retour des réseaux sociaux, on va faire un petit coucou notamment à un Jean-Claude hein, de Antlup, plus communément appelé Johan, qui va retrouver son Francis hein, demain, voilà, il est tout content, il est dans sa voiture, on lui fait un petit coucou. Jack, on a d'autres gens à saluer. Alors là, on en a une pelle. Une pelle, alors. Alors on va commencer par Pierre, notre auditeur normando-anglais. Ouais, il est à Londres. Là, il est en Angleterre. Là, il nous écoute. Là, il réagit en temps. Alors, attends, parce que moi qui suis bilingue. Hello, Peter. Hello, Peter. Hello, Peter. How are you? Ensuite, on a Julien qui nous écoute du nord de Bouchain. Julien nous dira quoi? Donc, il est sur la page Facebook quand il aura Facebook. D'accord. Il y a Benjamin également de Troyes. Il y a les copains de Paris également. Enfin bref, il y a beaucoup de monde. Un petit coucou aussi à notre auditrice de La Rochelle qui vient souvent sur notre page et qui nous écoute assez régulièrement et en podcast aussi. Mmh. Et qui est malheureuse parce qu'il n'y a pas grand chose d'après elle, chez elle, autour du rétro. Donc elle nous demande. Ah. Et d'ailleurs, ça pourrait être aussi l'objet de l'appui du blog, qui est d'informer aussi les gens peut-être hein, sur ce qui se passe au niveau national. Ah bah exactement, c'est le but. Hein. Après le blog, il va pas forcément parler que de ce qu'il se passe en fait ici. Non, le but élargir. Voilà, c'est d'aller au plus loin possible. Hein. On pense aussi à Malika du Canada qui est venue nous voir la dernière Malika, fois. Oui. Elle fait de si belles photos que vous pouvez voir sur le blog. Qui nous écoute aussi. Donc vous voyez, hein, on est à l'international. On est international. Alors, arrêtez de vous foutre de notre tronche. Hein. Mince alors. Bon alors, il est 17h30 et Jack, c'est justement le moment automobile. Hein. C'est notre moment qui... Ça fait combien de fois que tu viens avec nous enfin, que je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne compte plus. Tu fais partie de l'émission depuis au tout du moins peut-être février ou mars de l'année dernière. Février, je crois. Oui, je crois que j'ai commencé la chronique avec Rétromobile. C'est ça. Voilà. Et donc Jack voyage, hein, il faut le savoir. Il voyage entre autres régulièrement. J'aime le train. Pour les voitures. Alors pas que des voitures rétro. Pas que des voitures, non, effectivement. Parce que je suis parti en Allemagne pour une belle collection de montres. Enfin, une manufacture de montres. Et la cerise sur le gâteau, c'est une collection automobile assez fantastique. Mais ça, on en parlera au mois de novembre si vous êtes sage. T'as déjà le sujet du mois prochain. Exactement, patron. Le sujet de ce mois-ci, c'est Automédon 2016 entre patrimoine et compétition. Ça avait lieu les 8 et 9 octobre, c'est exactement. Ça exactement. Automédon, c'est un salon qui a lieu tout début octobre tous les ans, depuis 16 ans. C'est la 16e édition. Et ça avait lieu au Bourget, parc des expos du Bourget. Et cette année, le thème de l'exposition du salon, c'était le rallye Monte Carlo. Rallye Monte Carlo, c'est un rallye qui est connu de tous et qui est vraiment une légende mondiale, hein, puisqu'on vient de tous les pays pour voir les départs du rallye Monte Carlo, puisqu'il part de de différents pays. Il y a une édition historique qui a un gros succès. Et donc là, l'occasion pour nous d'aller voir des véhicules qui ont concouru sur ce rallye. Donc c'était vraiment un grand moment d'histoire pour moi, puisque j'ai pu voir des véhicules que je ne voyais qu'à la télévision. Ah et oui. Là, ils étaient là devant moi. Donc c'était comme un petit enfant. Exactement. C'était donc c'est un véritable carrefour de passionnés, de collectionneurs et de professionnels de la voiture et de la moto ancienne, puisque Automédon accueille aussi Motorama, un salon autour de la moto. Donc ça aussi, c'était très très très intéressant. Cette année encore, l'événement a rencontré un véritable succès auprès des visiteurs, parce que malgré le fait qu'il y ait en face le mondial de l'automobile, grosse concession automobile de France, où on vend des Scénic, des Golf Diesel et des Dacia Duster, il y avait le petit Automédon avec ses 15 000 visiteurs, ses près de 300 exposants, 2500 voitures exposées sur le parking. J'ai bien dit 2500, 2000 plus 500, 2500 voitures sur le parking. C'était exceptionnel. Alors là, côte à côte, vous aviez une Lamborghini 400 GT, une Renault 5 Turbo, une Renault 9 TS, une Ferrari 348 TS. Mon Dieu, je n'en peux plus. C'était formidable. D'accord. T'as eu l'occasion de faire des petits tours dans les voitures? Non. Bah moi, j'étais donc exposant sur le stand de Rétro Passion Automobile, qui est encore en kiosque, je vous le rappelle. Oui. Discrètement. Et sur le blog aussi. Et sur le blog, effectivement. Non, moi j'étais là-bas pour le magazine. J'ai fait effectivement un tour, un petit peu des photos, parce qu'il y a un article dans le prochain Rétro Passion qui sortira au mois de novembre, donc bientôt. Tu me feras la primeur. Hein, je vous ferai la primeur de la couverture. De la couverture. Voilà. Mais en fait, voilà, c'était ça, un gros rassemblement en fait autour de l'auto ancienne et de collection. Donc là, que vous aimiez la Youngtimers, l'américaine, l'italienne, l'allemande, la tchécoslovaque, la japonaise, vous étiez servi. Servi, voilà. Alors, pour les visiteurs, effectivement, le thème c'était Monte Carlo. Alors là, on avait quand même de quoi faire, puisque reconstitution de véhicules historiques ou participants pour aller Monte Carlo, exposés par de nombreux clubs et professionnels automobiles. On trouvait par exemple deux Lancia 037, anciennes de Bernard Darniche et de Jean-Claude Andruet, deux légendes du rallye français. Une Lancia Fulvia, une Mercedes 220 SE. C'est une grosse Mercedes avec plein de portes de 1960 qui a couru le rallye Monte Carlo. Ou alors la Lancia Stratos au derrière Cacopige. Et oui, une magnifique voiture italienne qui a concouru pendant quelques années dans les années 70. Sur le podium d'honneur, la Turca Mairie de 1911 conduite par Henri Rouget, toisait sa Benjamin, la 207 IRC 2007, championne du monde de rallye Monte Carlo. Donc il y avait toutes les générations. Un autre podium était dédié aux voitures de notre Sébastien Loeb, presque régional. Oui, il était. Et oui, il y avait de tout, de la Saxo, de la Xara, de la C4. C'était un festival de Citroën, le Chevron était en fête. On pouvait aussi y admirer la Lotus Sunbeam d'un jeune duo devenu célèbre depuis, Jean Todt et Guy Fréclin. Oui, parce que notre Jeannot, avant d'être président du monde automobile de la FIA, il était copilote. Et oui, messieurs, dames. D'accord. Donc il y avait cette voiture-là qui était assez sympa. Au fond du salon, il y avait un truc qui était plutôt cool qui vous aurait plu, les amis. Qu'est-ce qui aurait pu vous plaire? Le rétro-camping. Ah, eh ouais, les caravanes, mon bébé. Mmh. Ah. Voilà, les caravanes, les transistors des années 70, les tables en formica. Et oui, c'était plutôt sympa, effectivement. Et c'est le rétro-camping Club de France qui fêtait ses 20 ans, c'est ça? Exactement 20 ans, faisait prolonger l'été et les vacances à l'intérieur du Hall 4 avec une vingtaine de caravanes des années 50 à 70. Il y avait des combis? Est-ce qu'il y avait des combis, des petits combis? Il y avait des combis, ouais, sur le parking, effectivement. D'accord. Des trucs à 80 000 euros. Allez, hop, on passe. Ouais. C'est le prix des combis. On arrête, hein, on n'en parle plus. Hein. Il me reste quelques cheveux. T'en as eu un, toi, de combi, Mathieu? Non, c'est pas. Non, c'est pas ma cam. Toi, t'es plus sur des. Là, t'as deux Mercedes. Non, j'ai une Mercedes et une Chrysler. Chrysler, pardon. Ouais, une Simca Chrysler. Ah, une Simca. Une 2 litres, ouais. Une Mercedes. Et une Mercedes W123. Oh, c'est ma troisième Mercedes W123. Ah là, je lui dis bravo. Ah là là là là. En 2 litres. Ah, je lui dis bravo, allez hop. J'ai eu l'occasion de voir la Simca, elle est rutilante. Ouais, elle est belle. Autant vous dire qu'elle est magnifique. Ouais. Il l'a prise la semaine dernière quand on a travaillé ensemble. Et du coup, elle est neuve. Ouais, elle est en bon état. Ouais, elle est super. Content. Donc, je pense qu'on retrouvera bientôt un portrait de Mathieu sur mon blog. Voilà. Je vous l'annonce. Alors, il s'agit de la culture américaine. Vous savez, les gens avec la gomine sur les cheveux, les Santiago. Ah oui, il y avait ça aussi. Il y en avait plein. D'accord. Alors, eux, ils étaient servis parce qu'il y avait de nombreux stands de clubs d'américaines, de Mustang, de ce qu'on veut. Donc il y avait la grosse ambiance américaine, donc Elvis à fond les ballons, avec la musique, tout. Ouais, c'était très sympa. Franchement, pour les fans, même moi qui suis pas forcément fan, je trouvais vachement sympa parce qu'il y avait vraiment une ambiance et on était un petit peu on était un petit peu quand même à Memphis, hein. Donc ça, c'était assez sympa. Ensuite, au niveau des motos, donc 7e édition de Motorama. Alors là, il y avait des podiums avec des motos sportives et de compétition. Les motos anglaises avec le club Triton de France qui vient tous les ans. Les motos italiennes que j'aime tant avec le Ducati Performance Club. Et les incroyables motos des 24 heures de l'écurie Gérald de Moto. L'amoureux de moto caractère était comblé devant les Vincent Triumph et autres Ducati. J'étais comme un fou, je vous raconte pas, j'avais des suées. J'avais les souhaits. En fait, voilà, donc en gros, pour moi, c'était un salon vraiment sympa parce que le parking, c'est vraiment quelque chose. Hein, vraiment, c'était incroyable. Il y avait un choix incroyable de voir quatre DeLorean en même temps, par exemple. Ça n'arrive qu'une fois. Bon, les Américaines, je suis moins fan. Donc, ça faisait vroom-vroom dans son coin, c'était bien, mais il y avait des très belles choses. Mais voilà, on pouvait voir vraiment des trucs très très rares. Et ça vraiment l'attrait du salon, il est là, il est sur le parking. Et ça, c'est tous les ans, et là, c'est la 16e. C'est la 16e édition, voilà. Ouais. Alors, déjà, les dates, l'année prochaine, c'est le 14 et le 15 octobre. Le 15, c'est mon anniversaire. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, voilà, moi, je vous engage à y aller parce que c'est pas très cher, l'entrée. C'est bon, accessible, ouais. Voilà, c'est pas très cher. C'était plutôt bien organisé, il n'y a pas eu trop de bouchons pour y aller. Cette année, c'était pas trop mal. Et vraiment, on peut voir de belles choses. Voilà, c'est une alternative au mondial de l'auto. Si vous n'êtes pas fan de Scénic Diesel et de. Je vais dire des gros mots. Vous pouvez aller à Automédon l'année prochaine, mi-octobre. Okay. D'accord, bah merci à toi, Jack, en tout cas, de nous avoir fait partager ce doux voyage encore. Oh, doux voyage, et donc, oui. Vendredi prochain, c'est le départ. Oui, vendredi prochain, je pars à 6h du matin. Je vais à Bologne pour essayer le 3008, le nouveau 3008. D'accord. Et là, je suis plutôt content parce que il en promet. Il en promet. Exactement. Eh bien, merci Jack et bon voyage. Et reviens nous le mois prochain, toujours avec plein de d'anecdotes dans tes, de dans tes bagages et de cadeaux. Bon, tu ramènes que dalle à chaque fois, d'une petite pince, mais bon. Ah, mince. Mais bon, tu vas pas faire croire ça à l'auditeur, hein. Non. Non. Mais tu nous ramènes. C'est du rêve à l'auditeur. Oui, voilà, c'est du rêve. Ah, il nous ramène des bagnoles. Des bagnoles. Devant le parking de Fadjet. Et te dis, le parking de Fadjet. Les cheveux au vent, il nous emmène en balade dans Exactement. La capote ouverte. En Cadillac Fleetwood. Ça c'est magnifique. D'ailleurs Mathieu, là tu vas nous conseiller un autre titre. Alors t'as deux possibilités Mathieu, j'ai envie de te dire, tu as la possibilité d'avoir d'un de tes titres, donc du trio Mathieu Loigereau, After You've Gone, ou alors un titre sur CE de Polar, voilà, que t'écouterais bien dans une voiture en balade. Alors écoute, le trio, il y a encore pas de disque. Il y a un disque qui devrait s'enregistrer au mois de mars ou avril 2017. Ouais. Donc, comme on était sur CE de Polar, okay, et qu'on on va écouter, je pensais mettre le morceau du Cercle Rouge. Du Cercle Rouge. Voilà, musique d'Éric de Marsan, un grand grand film de Jean-Pierre Melville. Voilà. Et ben on va chef d'œuvre. On va écouter ça tout de suite. Le Cercle Rouge, Éric de Marsan. Et les amis, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 18h. Voilà, plongé dans les polars aussi encore des années 60-70. A tout de suite. Cercle Rouge, sous les conseils de notre invité du jour, Mathieu Loigereau. transition aucune, hein. Ça part, on repart sur une énergie folle. Un coup d'œil dans le rétro, les amis, on est ensemble encore pour un petit quart d'heure. On a encore pas mal de choses à traiter avec vous, et notamment encore à traiter, hein, violemment avec notre invité Mathieu. Et là, on va passer à la mode. Et à la mode, c'est encore Anaïque, hein, qui vous conseille, pendant cet hiver, un classique, je dirais des années 80, n'est-ce pas, ou pas? Ou pas du tout? Alors oui, mais la naissance, c'était pas en 80 en fait, c'était plus en 50. Ouais, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je vois un Tom Cruise en Top Gun. Mais alors oui, bon, voilà. Oui. Mais donc c'est le fameux Bombers qu'on va retrouver, qui est la signature de l'automne, de cet automne. Oui, exact. Signature de l'automne, mais aussi tendance de l'été. Effectivement, le Bombers en fait réitère et signe pour cet automne, effectivement. Alors résolument masculin, le Bombers donc tend quand même à devenir une pièce un peu androgyne. Au même titre, j'ai envie de dire, que le perfecto ou que la veste en jean. Donc effectivement, initialement destinée aux hommes, la forme de cette veste donc masculine rappelle l'uniforme porté par les Américains de l'US Air Force et de la Navy. On ne peut pas passer à côté. Et si le blouson aviateur s'était popularisé dans les années 90, le premier Bombers en fait est apparu dans les années 50 et a commencé à être commercialisé dans les années 60, donc 10 ans après, popularisé par les tenues des militaires américains, et notamment lors de la guerre du Vietnam. Donc, après la guerre, les militaires ont gardé leurs uniformes afin de conserver en quelque sorte leur identité d'anciens soldats. Et il est vrai que le Bombers est revenu à la mode donc, dans les années 80. Avec les crânes rasés. Notamment, ouais, avec la mode un peu des skinheads. Une petite bande de joyeux troubadours. Ouais, non, mais en fait, les skinheads, en fait, ils étaient à la mode, quoi, quand même. Ah, bah, avec les docks, avec les ouais, docks, non, hein. Mais voilà, ah il ouais. Y avait pas mal de choses, quand même. Sur un coquille, ou alors même plutôt les Ranjo. Hein, Et je fais juste un aparté, les premiers skins des années 60 qui n'étaient pas des skins nazis, puisque le mouvement skinhead au départ est un mouvement, était hyper sapé, quoi. Hyper sapé, ouais. Exactement. Les blousons Harrington, ça vient d'eux. Ouais. Et comment ça se fait du coup? Je sais pas, alors je vais ça a été récupéré dans les années 70 avec le mouvement punk et le National Front, qui a cherché des jeunes un peu perdus avec la crise économique, s'est dit voilà, il faut faire, c'est comme tous les partis extrémistes, tu fais porter le chapeau à l'immigration, etc. D'accord. Et donc ils sont engouffrés dans la vache et ils se sont ils ont détourné le mouvement, et c'est devenu le skin nazi. D'accord. Donc ça c'était dans les années 80. Et donc l'avantage du Bombers, Anaïk, vestimentairement parlant. Alors l'avantage du Bombers, donc j'ai envie de dire qu'il correspond un peu à toutes les morphologies, et il apporte quand même une touche un peu décontractée à n'importe quelle tenue. Et un des avantages aussi, c'est que c'est un vêtement qui aujourd'hui autant pour les hommes que pour les femmes. Donc avec quoi le porter en général, pour les femmes par exemple? Alors pour les femmes, l'idée c'est quand même de féminiser un petit peu cette tendance, parce que c'est vrai que c'est un peu une image sportive et masculine. Donc moi je vous conseillerais en fait, pour un petit look chic et décontracté, de l'associer avec un petit jean slim, des escarpins, ou alors avec une robe ajustée. Côté matière, c'est vrai que tout est un peu permis, il en existe en daim, il en existe des matelassés, donc un petit peu pour l'automne où il fait un petit peu plus frais. Et puis on peut en voir notamment dans les boutiques avec pas mal de motifs. Et alors, bien sûr, mais alors pour les hommes, pour les bonhommes, les vrais, les gars comme nous. Alors pour les vrais bonhommes comme vous, l'idée c'est quand même de pas faire de pas faire guerrier, de pas faire warrior. Donc j'ai envie de dire que vous pouvez très bien porter un Bombers au boulot, c'est complètement possible. Vous aurez un peu la classe du working boy tout en ayant un peu une touche un peu décalée. Il suffit juste de le porter avec une chemise blanche pour enlever un petit peu le côté strict, avec une cravate, un petit pantalon noir et puis des mocassins. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez aussi avoir bien chaud quand même avec le bomber, surtout avec les températures qu'on va avoir bientôt dans l'Est. Et vous pouvez le mettre pour pas non plus vous transformer en Mr Freeze, j'ai envie de dire. Rien de plus simple, vous mettez un bon pull en dessous en maille, un jean clair et puis des boots. Voilà, ça peut être sympa. Et autre avantage du Bombers aussi, effectivement, je le disais un petit peu plus haut, c'est que ça peut aussi vous donner un petit look un peu streetwear, donc avec un jean ou des baskets, et là vous passez en mode un petit peu plus sportif. Donc le Bombers en fait, vous pouvez l'associer à plein de choses. Moi je le mets en moto ou avec des chaussures un peu sympas. Exactement. Ouais, tu peux le mettre pour casser complètement un style un peu, peu plus col serré, cravate. Ouais, carrément. Ouais. Moi j'ai mis déjà avec une chemise blanche, des chaussures un peu noires. Ouais, ça fait classe, et ça, ouais. ça voilà ça enlève le côté un petit peu guindé. Exactement. Et moi, je trouve que c'est sympa. C'est notre conseil voilà, mode qu'on pourra retrouver certainement sur le blog, hein, quand même aussi. Tout à fait. Ça fait partie de, ça fait partie ouais. de l'objectif de ce blog. J'ai mis une petite photo en attendant sur la page Facebook oh, avec une, génial, avec une jeune fille fort sympathique que vous pourrez voir. D'accord. Ah, d'accord. Et on rappelle effectivement le blog, c'est à coup d'œil dans le rétro, leblog.wordpress.com ou .fr, je ne sais plus. .com. .com. D'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on va continuer cette émission avec Mathieu, qui est avec nous encore pour une dizaine de minutes. Et on innove en matière d'interview. Et c'est Anaïk qui s'y colle, qui a une interview particulière à faire. C'est l'interview rétro-intimité. Oui, effectivement, parce que bon, on l'aura un petit peu deviné. En plus de la musique, donc tu baignes quand même dans une époque 60-70, mais pas que. Donc j'avais envie de te poser des questions très directes. Mm-hmm. Je voudrais que tu me répondes d'une façon directe. Il a peur. Vas-y. Bon, il n'y a rien d'ici. Alors attention, roulement de tambour. Ton film préféré. Ah. C'est dur. Hein. Bon, on va dire le coup de cœur d'enfant jusqu'à maintenant. On va dire les 400 coups. Les 400 coups. Donc c'était un film avec Donc c'est un film avec Jean-Pierre Léo, c'est un film de François Truffaut, c'est un film de 1958 ou 59. D'accord. Et c'est le on va dire que c'est le film qui annonce la nouvelle vague en fait. D'accord. Voilà. Bon, on a un petit peu parlé tout à l'heure ta voiture préférée. La voiture que tu alors la voiture de tes rêves. De tes rêves, j'ai envie de dire, ouais, peut-être, il y en a plusieurs, non? Ouais. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Oh là là. Bon, on va dire que la voiture du moment là, qui me plaît bien en ce moment, c'est la Plymouth Valiant, qui est une voiture des années 60, une américaine. Je me dirige peu à peu vers les américaines, alors que j'étais plus sur les européennes. Et voilà, c'est une voiture américaine à taille, on va dire. Américaine, mais assez européenne quand même. C'est pas un paquebot de 6 mètres, quoi. Voilà. D'accord. On a compris aussi que tu aimais beaucoup les vêtements, les sapes comme on dit. Ouais. Ta fringue fétiche, la fringue sans laquelle tu partirais pas en fait le matin. Ou en vacances, le truc en fait que tu as souvent sur toi. Bah, j'en ai plusieurs, mais la chemise classique avec col un peu hirondelle, j'aime pas dire pelle à tarte parce que c'est pas ça, c'est les cols pointus. C'est-à-dire que par rapport aux chemises actuelles qui ont des cols très courts, très court. Appelle ça un peu les cols italiens, je crois. Ouais. C'est des chemises avec des cols assez longs sans que ça soit trop exubérant. Voilà. Et ça, c'est l'apanage de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70. D'accord, ben voilà, il a bien répondu à nos questions du tac au tac. Il est fort, ce petit individu, hein, quand même. Hein, c'est assez exceptionnel. Hein. Il est fort, ce petit individu. On ne l'avait jamais sorti. Tu vois, moi, j'ai bon. Bien. Cher auditeur, veuillez nous excuser pour cette interruption d'antenne. Dans l'expression un peu désuète, un peu ringard. Bon, voilà, ça va avec le personnage. Moi, j'aime le rétro, mais j'aime le rétro ringard, tu vois. D'accord. Donc, moi, voilà, j'assume pleinement la moustache un peu trop large où tu gardes la bouffe dedans. Tu vois, je suis là-dessus. Moi, Je vois. Juste d'ailleurs, on a échangé dernièrement, ça me fait rire avec Mathieu, parce que au-delà de ce qu'il fait en termes de musique, il travaille aussi avec de nombreux comédiens et improvisateurs, et il improvise aussi ses musiques à l'aide de son instrument, la contrebasse, sur des petites scénettes courtes d'improvisation théâtrale. Il s'adapte complètement avec ses rythmes. D'accord. Et pour illustrer notamment des scénettes, et on travaille, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. Et donc exactement, c'est aussi une des facettes aujourd'hui peut-être un petit peu de ton métier qui est peut-être occasionnel, hein, mais qui est plus occasionnel, mais qui te fait plaisir, qui aussi est intéressante bien sûr sur ces nouvelles expériences ouais. Et du coup c'est assez intéressant de travailler aussi en musique et théâtre, ça va aussi de pair. Ouais. Tout comme musique bien sûr et cinéma, et ça va être la dernière pause musicale du jour. Et là c'est Jack qui souhaite un titre en particulier sur CE2 Polar, je le rappelle. Ah oui, moi j'ai choisi un titre d'un film, c'est L'Alpagueur, un film avec Bebel. C'était un formidable film où notre Jean-Paul Belmondo national désinguait à tout va, et là je trouve que c'est une très belle interprétation. C'est ça, et donc c'est d'après les musiques l'album d'après les musiques de Philippe Sard, Éric de Marsan, Michel Colombier, Ennio Morricone. C'est CE2 Polar, c'est un trio jazz avec Gaël Lebihan, Mathieu Loisereau et Jean-Marc Robin. On se retrouve juste après ça, on est ensemble encore pour 8 petites minutes, pas plus les amis. Schumacher. Michel Colombier. C'est plus que radio. Allez, on reprend l'émission, les amis, avec un jingle complètement moderne. Hein. Là, j'ai coupé, j'ai passé de l'ancien au moderne, avec donc notre invité du jour et les conseils musicaux et notamment bien ce que vous avez écouté tout au long de cette émission, c'est CE2 Polar. Donc c'est un de ses projets parmi voilà. Les projets du moment. Et donc il nous reste 4 petites minutes et c'est le moment de parler de l'actualité. Alors ici, en Lorraine, mais aussi peut-être au niveau national et aussi l'actualité de notre invité. Alors Anaïk, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire par exemple demain, tout simplement? Alors demain, je vous invite à aller au 20e route des Vosges. En fait, c'est le plus ancien et le plus international des rallyes de l'Est. Monsieur Jax, je dis pas de conneries ou pas? Non, il a rien écouté. Non, mais je connais pas en fait. C'est d'accord. Le rallye pour auto immatriculé avant 1974 ou 1980. Ouais, au départ de la Bresse en fait, ça se passe demain. T'es pas au courant de ça, surtout le week-end. Ça a peut-être changé de nom. Ah bah non. Je sais pas, non, j'ai regardé. 20e route des Vosges, c'est toujours ça, s'appelle toujours comme ça. C'est organisé par qui? Par Philippe, un gars qui est dans. Alors j'ai plus le nom, mais je te dirai ça dans 5 minutes. Non mais parce que c'est peut-être un truc que j'ai gagné une année, mais le nom, je suis pas sûr. Bon, je te dis que c'est ça. Bon. Je suis bretonne. Dimanche, il y a aussi la 31e édition de la Bourse au Disque, hein, l'autre canal, Renaissance, organisée par la Face Cachée, et l'association Mets les Disques et l'autre canal. Donc, pour trouver son bonheur, choper le classique indémodable ou la petite perle rare de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. Si on est du côté de Strasbourg. Alors, samedi et dimanche, donc à Strasbourg, Bric-à-Brac Vintage revient pour sa 4e édition. Ouais. C'est organisé donc par la boutique Clockwork Orange. Donc vous pourrez chiner du mobilier, des objets déco, des luminaires, des accessoires de mode, tout ça à petit prix, des années 50 à 80. Tout ça dans une ambiance rétro garantie avec une programmation musicale 60s avec DJ. Et l'entrée est gratuite. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. La semaine prochaine, donc le week-end prochain, du 28 au 30 octobre, à Nancy, 17e Festival Swing, organisé par l'association Cap Danse. Donc tous les renseignements sur www.swingfestival.com. Et pendant toutes les vacances de la Toussaint, Anaïk, il y a aussi du 24 octobre au 5 novembre. Oui, les 15 jours rétro, donc c'est un stage de danse proposé par l'école Luna Moca Burlesque School, toujours à Strasbourg. Tous les soirs, donc, vous avez 2h30 de cours sous forme d'atelier spécialement conçu par niveau, vous permettant de progresser dans votre danse. Donc tous les renseignements au 06 70 34 93 93. Et si on passe pour l'actu de Mathieu, donc on peut te retrouver où et quand? Alors il y a une date avec le trio Crooner, que j'appelle le trio Crooner, c'est Mathieu Bajot Trio, où on évoque Sinatra, Nat King Cole, etc. À la MJC Étoile au mois de novembre. Oui. Alors, d'ailleurs, on fait un petit coup à Sandra qui nous écoute là-bas, qui est de la MJC Étoile. D'accord, très bien. Alors, je suis mauvais, j'ai pas pris mon carnet, je sais plus si c'est le 13 ou le 14. T'as un site internet? Alors, il y a la page, il y a ma page perso, Mathieu Loigerot, sur Facebook, ou la page Mathieu Loigerot Trio sur Facebook, où là, je mets automatiquement toutes mes dates. Et il y a aussi, je donne les dates sur Nancy, du coin, il y aura le 29, dimanche 29 janvier à la médiathèque de Nancy. D'accord. Voilà. Donc ça fait pas mal de toutes les infos. Toi en général tu communiques aussi sur Facebook? Oui, beaucoup. Ouais. Ok. Et merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Mathieu. Ouais. Aujourd'hui dans notre petite émission Un coup d'œil dans le rétro, on était très heureux. Et puis j'espère. On le dit souvent à nos invités. Jack est venu en premier dans l'émission en tant qu'invité. Et il y est resté. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et peut-être que toi tu pourras aussi à un moment donné venir faire une petite chronique si t'en as envie. Pourquoi pas? On sera avec plaisir. Prochain rendez-vous, Anaïk. Alors exceptionnellement, prochain rendez-vous le 4e vendredi du mois de novembre, mais non le 3e. Donc normalement, ça sera aux alentours du 25 novembre. D'accord. Voilà. Et bonne soirée à toutes. Les programmes continuent sur Fadjet. C'est vous m'en lirez tant dans quelques instants. Donne rendez-vous le mois prochain. Bisous. À bientôt. Bon week-end. Bye bye.